Douzièmement, les enterrements civils. Oh, certes, je sais bien, moi souffrant et rêvant, que tout cet inconnu qui m'entoure est vivant, que le néant n'est pas, et que l'ombre est une âme. La cendre ne parvient qu'à me prouver la flamme, faire voir clairement le ciel, l'éternel port, la vie enfin, c'est là le succès de la mort. Oh, certes, je voudrais qu'au ténébreux passage mon cercueil, esquif sombre, eût pour pilote un sage, un pontife, un apôtre, un auguste songeur, un mage, ayant au front l'attente, la rougeur et l'éblouissement de la profonde aurore. Je voudrais qu'à la fosse, où meurt le rien sonore, un sénateur du vrai, du réel, un magnat du sépulcre, un docteur du ciel, m'accompagnât. Oui, je réclamerai cette sainte prière. Devant la formidable noire fondrière, oui, je trouverai bon que pour moi, loin du bruit, une voix s'éleva et parla à la nuit. Car c'est l'heure où se fend du haut en bas le voile. C'est dans cette nuit-là que se lève l'étoile. Je le voudrais, et rien ne me serait meilleur qu'une telle prière après un tel malheur. Ma vie ayant été dure et funèbre, en somme.